La trace des silences, écrit par Jean Diars, lu par Armen pour audiocité.net. Il est ainsi l'automne, avec ses bras voûtés et ses odeurs de feuilles, ses couleurs de soleil qui résistent au gris, une allée où l'on marche qui va se rétrécir et se faire chemin, puissante caillouteuse. Tout ne vient qu'à moitié et juste un peu plus tard. Nous n'allons rien plus faire qu'à nous dire les yeux. Il ne va pas pleuvoir. Allez dans la lumière. Le jour s'est bien levé comme on efface une ombre. Je me suis habillée du sourire des arbres et réchauffé les troncs, serré au fort, au près, puiser la force, l'énergie, racine de l'amour. Du beau, du doux. Le vent a décroché les nuages des branches. Je n'ai plus froid aux mains, je n'ai plus froid aux mots. En revenir au jour. Tu ne l'enlaçais pas, tu murmurais tout bas comme une mélopée. Jinko biloba, jinko biloba, jinko biloba. Envoûté et du bas, je regardais le ciel. La vie dès lors comme un orient ouvert, un baume sur la plaie. Il va falloir que nous rentrions, il va faire tempête. Je n'ai pas fini mon ouvrage, quelques mots encore à griffonner ailleurs. Un voyage à faire des racines jusqu'aux feuilles. Je te ferai des bavardages, tu ne verras rien qui s'en vient, pas à pas dans la mer. J'allongerai mes larmes. Je serai utérin, j'effacerai l'enfance qui s'en venait mourir. Ici, il n'y aura que du vent. Peut-être que le matin, demain, n'aura plus de ces lourdeurs étranges qui cotonnent la tête et font les maux de plomb. Peut-être. Peut-être qu'à midi, en soleil, une femme de doux m'invitera à vivre autour de fruits de mer. Peut-être. Peut-être que le soir, en riant, je n'écrirai plus rien, les doigts pour faire un mot dessinant sur la peau, peut-être. Il en est ainsi de l'amour, une étrange alchimie, cette envie répétée de toujours commencer tout en ayant appris, et de l'autre et de soi, au bout de tout ce temps, ce qu'il fallait savoir pour ne pas en mourir. Cette envie répétée, toujours recommencée, de si fort se serrer que les ventres se tendent, tout le corps en humide. Cette légèreté, tout au bout du chemin, de n'avoir rien prévu et rien à répéter. Le doux plaisir du partage, de tout réinventer. Ne pas savoir où nous irons ce soir, demain, avec en soi cette force superbe de ces endroits secrets, ce que nous aimons faire, jeunes adolescents de plus d'un siècle à deux. L'équilibre trouvé entre les petits riens et les tous inédits. J'aurai sans doute un 50 à la dame, toi un carré de roi, tu m'offriras la mer. Je mettrai sur tes lèvres un doux baiser bâillon. Nous aurons tout le temps que nous nous donnerons. Tellement lumière que larme aux yeux, quand tout se brouille dans le dedans, que tu n'as guère de prise sur ce qu'on dit être un destin. Marcher, bien sûr marcher. Ici, matin, vent et soleil au dos, vers le vieux port. Monter, descendre, chercher son souffle et respirer. Faire le vide, sauf quelqu'un. Rouler cailloux dessous les pieds. Percer le large, y voir une île après l'arc-ouest, au loin, là-bas, penser chapelle tout en poussière, souffler les cendres et ne plus ombre. J'aime tant cette route qui roule vers le sud, qui descend la colline et tombe sur la mer. Ces mots, surtout, sur rien ou pour avoir de l'eau, ton profil au soleil qui transcende la vie, la lumière déjà, et tu me prends la main. La place Sol Isambra, pour y prendre un café, un gâteau au citron. les oiseaux et le vent qui fait des cliquetis, la dame enturbannée qui rit de ses enfants, et la petite église où tu fais vœu d'un cierge et tu me prends la main. Plus tard, sur le midi, tout au bord du vieux port jusqu'à la bonne mer, l'ascension vers le ciel en frôlant les ruelles des amants qui s'embrassent en regardant la mer, et les rues du panier pour mieux se ressembler, et tu me prends la main. Tous les jours dès le soir seront des oliviers de Manosque à Giono au thym qui se réveillent, des ocres le matin qui dessinent le vent, et des maisons perchées qui disent des histoires. Ces marches en rocaille, un marché le matin, et tu me prends la main. Un autre jour, bientôt, je te prendrai la main. Et le souffle te vient au milieu de la nuit, tes mots quand les gens dorment, le chat qui pleure un peu plus loin, du vent, le froid qui frôle, tu te parles à quelqu'un. Son rythme vient de loin, régulier, comme mer. Tu sens le chaud du vide se blottir contre toi. Alors, tu tresses tes écrits comme on défait un cri, comme on ferait un lien, une ligne inventée pour effleurer des mains, pour deviner demain quand la lune et Vénus s'endormiront ensemble. Au bout du bois là-bas, entapissé de mousse, bien loin de tout chemin, je viendrai te chercher où poussent les girolles et je t'inviterai à fondre les couleurs de ce début d'automne. Il y fera le temps de la curiosité et des marches prudentes à ne rien fracasser. Peut-être, tout à l'heure, l'écureuil surgira, se glissera aux feuilles tout au bout de ton doigt, et tu m'inviteras. Ce n'est pas quand la mer étincelle qu'elle étale du ciel comme on fait des reflets, le verre et le miroir, le verre et la mémoire, que tu sais que tu l'aimes. Le beau n'a pas de mots, il impose le sens. Tu le vis sans savoir et tu le goûtes à lèvres. C'est quand tu en es loin qu'elle t'arrache l'âme à ne point trop saler le revers de tes doigts, que le gris en question te bouscule la vie, que tu ressens l'amour. Comme un vide insensé, une absence de trop, l'amour qu'on ne dit pas pour ne pas trop crier. Une enfant d'un autre âge a pleuré sa mémoire, plus rien n'avait changé. L'odeur du cimetière et celle de la soupe, le chemin, la forêt, les coteaux, les vallons, le grand bleu qui flottait au-dessus de la brume. Un peu plus bas, au loin, dans le village bas, des portes se fermaient. Plus rien ne changerait, l'enfance est ainsi faite. On ne la trahit pas, et on la garde en soi. Elle n'a pas de ruine. Parfois, en ces temps d'automne, la lumière vient tard et se fond dans la nuit à des temps où, hier encore, nous buvions le vin blanc dessus la table bleue. Et si le jour suffit parfois, dans son intensité, à éblouir les jours, ou quand il a tes yeux, le sombre qui s'en vient dès les vêpres passées me fait du triste hautain. Ne me revient alors dès les 20h05 jusqu'aux 8h30 du soleil retrouvé qu'à t'habiller en phare, en lanterne magique et y poser ma vie pour voir un peu plus loin. Le bleu comme fenêtre, le phare et le moulin. On entendrait la mer, le vent, le silence des pierres. Un art à vivre rude en murmure, une femme au temps de ses silences, un peu plus loin, sans doute, parlerait de la vie et des jours d'autrefois. Elle tendrait des fruits, on la verrait peut-être glisser sous le rideau, saluer d'une main, comme on laisse une empreinte tout au bas d'une page. La paix du beau, une maison là-bas, une voix que l'on entend à peine et qui dit « Je suis là ». Ne pas couper de fleurs pour mieux te les offrir. Laisser la vie rouler des hanches. Rien ici ne pouvait m'arriver. De l'île au continent, il est des temps silence à ne pas trop montrer les blessures au cœur. On s'accroche aux rambardes que l'on dit bastingage. On laisse le vent faire du sel dessous les sèches rides, on secoue au front vert les images mêlées qui furent tant si belles, ces heures de bonheur comme une onction extrême d'un soleil fabuleux sur la lande et les mers. On regarde le port s'éloigner lentement à caresser Molène. On sait que l'accostage sera d'un autre monde à suspendre les rêves, à conduire la vie où la seule lumière sera de toile blanche. Et revenir dès lors ne serait que beau vivre. Et je ne suis que du possible. Je laisse aux rêves le sublime, les demains fous et le passé. Je n'ai que mots à faire rime. Les pieds anglaises, dans ce marais où les oiseaux font la couleur, les digues vertes, les arbres secs, les algues rouges et le clocher. Quand mon chemin, le seul, c'est de trouver le beau, d'en faire quelques lignes ou de l'offrir en dot, et le rendre possible au quotidien du ciel lorsqu'il demeure ouvert. Le seul temps qu'il me reste se conjugue au présent, j'y marche le sentier. On va faire comme ça alors, et laisser le phare éclairer le jour d'une lumière crue. On va se dire que tout va bien, ne plus parler de ces outrances, en mots, en guerre et en système que l'on croyait bannis des mémoires des hommes depuis le temps des barbaries. On va laisser l'outrance faire, gagner des villes et des pays. Le simplisme raciste, l'exclusion en système, gagner des élections et rejeter tout près des enfants sur le sable. On ne parlera plus de notre intelligence, de notre humanitude, de tout ce qui toujours nous fit ce que nous sommes. On va se dire que tout va bien, qu'il fait trop chaud, qu'il fait trop froid, que la mer monte sur la vie, que des pans de falaises vont se nourrir d'ozone. On va laisser nos corps s'y faire. Ils en ont tant vécu qu'ils vont s'habituer à se nourrir d'engrais, d'hormones et de barbituriques. On ne peut plus rien faire. Cela coûte trop cher. Il faudrait tout changer et dans tous les domaines. Les 3% du PIB n'auraient plus aucun sens. Quand il n'y aura plus d'eau, il restera du sang ou une molécule clonée d'un dromadaire. Il ne manquerait plus que nous allions nous plaindre, ou bien que nous pensions. Nous avons des maisons à internet, fenêtres et à télévision. La dérision a fait grand feu de l'insolence. Le bien-pensé est dilué, la soupe est bonne. Et nous avons la chance de voir tout ce malheur s'arrêter aux frontières, aux octrois, aux trottoirs, aux heurtoirs. Nous avons mérité tout ce que nous avons. On nous l'a assez dit. Nous voterons un jour. Et il faudra ce soir bien fermer la lanterne. On va faire comme ça alors. On nous l'a assez dit. Tout va bien. Il est étrange ce temps du soir où tu n'arrives pas à déposer tout le trop lourd du jour. Ces choses inutiles, ce quotidien petit qui te bourdonne aux tempes et sape l'énergie. Cette incapacité à t'extirper du rien. Et ce rêve mouvant d'une épaule où tu poses la rêverie qui vient, le silence de lèvres que tu effleureras, ce besoin impérieux de serrer dans tes bras ou d'être enfoui en elle, juste le temps contraint du soir, près d'un songe de nuit, tout au jeté du jour. Il y aura des rêveries de tulle, des mains de brume autour des mots, des oiseaux de faïence au coin des réverbères et de la lune bleue à défaire les mots. Tout, dès lors, ne sera plus qu'à vivre dans le désordre intime de mes papiers d'embrun. Au bout d'un moment, tu n'en peux, mais c'est le beau qui décide et les phrases se perdent de fracas en silence. Tu fais des pas immobiles, tu allonges le vent, tu te noies dans des yeux et tu ne dis plus rien quand l'autre t'y répond. Je demeure. Il est de ces instants dont il ne reste rien que le beau partagé. Était-il temps de rire, de sangloter peut-être? Nul ne pourrait savoir. La jetée protégeait. Et les vagues venaient une à une chuchoter à mes pieds. Le tout en émotion, en lumières étranges, en envie de rester. En remontant de soi les terreurs de l'enfance pour les fuir dans le sable, en ne parlant plus rien que des marées d'amour. Il est de ces instants dont il ne reste rien que le beau partagé. Je demeure. Et c'est voilà. Il me fait nuit déjà. L'automne est arrivé. Un mille-pattes, une punaise sont entrées. Une araignée s'alphabétise au vieux gaffiot sur l'étagère. L'enfant de moi se musifie un peu plus haut. Je n'ai plus rien de vérifiable. Les murs ondulent au gré des mots. Le chaud me monte à la lucarne. Foutraque doux, bordel intense, tout se mélange. Des arabesques inversées font les 100 pas sur le plafond. On se dirait des maux de tête. Je n'ai plus l'âge de raison. Juste celui de ma mémoire. La lampe à sel me fait orange. Il ne faut pas que je m'éteigne. Je vais ranger mes souvenirs et m'arrimer à l'avenir de digues à vagues et divaguer. Quand tu viendras chez moi, je te mènerai là, sur un petit chemin à 2 pas de ma porte. Il y fera moulin. Tant de choses bruissantes où naissent les histoires, une roue que le temps a dédaignée sans doute, un pont et un cheval, un écureuil curieux. Je le sais, je te sais. Nous nous attarderons assis sur une souche sèche à deviser du beau. Juste avant de reprendre le chemin du bosquet qui conduira à l'âtre où réchauffer les mains, nous mangerons peut-être les chanterelles grises et quelques coulemelles. Le doux de la maison nous fera une écharpe. Il ne serait que du temps à voir passer quelques oiseaux et s'inventer d'autres merveilles, un bras qui glisse dans le dos pour esquisser la quintessence d'un temps à feu en couleur d'âme. Tout ne fait rien que se passer. Je n'ai perdu que l'apparence. Il suffisait de voir au loin l'île refuge à deviner, écouter vagues à s'enrouler, être d'un soir qui me ressemble, attendre un peu que tu murmures. Laissez juste les mots ne pas venir aux lèvres, aussitôt qu'ils sont dits, ils sont mis à l'encan, la limite permise de ne pas imposer ce qu'un poète doit aux autres, les phrases qu'on attend pour ne pas déchirer. Le beau, le doux, l'amour dont on se moque tant, simplement être là et ne même plus le dire, n'écrire plus que ça. Savoir qu'au bord du rue, un peu plus loin avant, reléguées en silence, des fleurs multicolores ont toutes été semées. Il viendra bien le temps du serré tout éclos, où l'on parle sans dire. Je demeure dès lors le seul gardien de phare, ni mer, ni terre, ciel. J'astique tous mes mots comme lentille optique. Je veille et je préviens à défaut de marcher, à défaut de voguer. Chacun me voit de loin, mais ne me touche pas. J'avais tout essayé pourtant, pour me rendre mataf ou même désirable. Je n'ai pas le tout prêt. Je reste à voir au loin et à faire faisceau. J'ai vaincu le vertige. Je ne descendrai pas. Sonnet. Dans la forêt de toi, j'ai posé les détours. J'invente des chemins que je ne connais pas. J'en sais des inédits aux 100 000 contours. Pour ne point les montrer, je remonte le drap. Il y fait frais tantôt, il y fait chaud ce soir. Ta main autour de moi, insistante et peu fière, devine des secrets qu'elle tresse en foulard pour protéger demain comme on oublie hier. Tu murmures parfois des appels au grand large, des codicilles bleus que tu écris en marge. J'essaie au bout du jour d'en esquisser le signe. Mais tu blottis déjà ton sourire à ma bouche. Nous en faisons parfois des escarmouches insignes, et à l'orée de toi, c'est mon cœur que tu touches. Le jour retient la branche et dessine du gris en nuances tristesse. Le bleu viendra bientôt, et il fait déjà beau. Des hommes au bout de l'eau parlent de quelques coques. Ils continuent le temps. Un héron ne dit rien, il pose du superbe. Il ne manque donc rien pour s'inventer heureux. Un rêve que l'on ne dit pas, simplement ce que l'on n'a pas, que l'on voudra à vivre jusqu'à son dernier souffle. Boucler la boucle sur l'amour, en point d'orgue et accomplissement, force de vie, ce supplément infime du tout qu'on a déjà. La mer là-bas, en raccourci de voix, en velouté des mots, que l'on ne dira pas, exorcisme du temps. L'infiniment fragile aux frontières de soi, quand on regarde loin et qu'on ne voit plus près. L'illusion est sans doute dans la coquille armure ou le silence dû sur le revers des mots, tout au bout des antennes et des traces au sol sur les cailloux mouillés. Quand l'émotion s'arrête à des rêves lointains, sans bien savoir pourtant sur quoi on pose pied. On ne déchire pas cet étrange escargot quand il mit tant de temps à venir jusqu'à soi. Le soleil fera vite à reverdir les feuilles. On entend de tout près l'écorce qui craquelle, les bourgeons qui murmurent, la vie intense dans le dedans du tronc. Ne se dessécheront que ceux qui déracinent et renoncent un moment à leur destin de sève. Quelqu'un, juste au tout près du printemps, viendra, enlacera les arbres, y puisera sa force et fera une sieste à l'ombre de l'été. Il suffira d'attendre, un peu à contre-jour. C'est le vent ce matin, aux craquelures des branches, quelques mots des oiseaux qui ont fait mon réveil. Petit jour dans le frais, déjà dans la lumière et les gouttes séchées. Levé à presque été, du bleu avant soleil. Tout à l'heure, quelqu'un, en fragrance et en beau, mettra tête à la porte et dira un coucou. Insoumis et rebelles depuis autant de temps qu'ils m'en rappellent, hérétifs désormais à ce qu'on veut de moi, mes murailles éboulées, ne reste qu'une tour d'où je vois, au lointain, ceux qui, les mains ouvertes, connaissent le chemin. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de fief, les pierres arrondies ne coupent plus les mains. Je sais trop qui je suis pour ne pas rester moi. Ce que je sais de moi, ce que je veux ici. La solitude acquise, il reste le partage, celui de la terrasse que l'on montre du doigt au bout du jour, demain. Tous les arbres pleuraient de la pluie de la nuit. Les bleuets avaient fui les blés empoisonnés. La brume étouffait tout jusqu'au cri de la pie et un cheval inquiet me parlait de l'été. Ces soirs où tout embrume au flot triste des pensées en boucle, où l'on a juste envie, comme une peur d'enfant, de réveiller les bavardages, les confidences bleues à dévoiler sa vie, à trouver dans des yeux le retour de sa paix, blottir encore un peu, une main sur la nuque, et se serrer si fort que l'on oublie le froid, la mémoire et le temps, que l'on se fait du beau à retirer la couette. Tout au dehors me saigne à certitude renversée. Ce monde, ce que nous en avons fait, est en fin de sa course. Ne s'y accroche plus que ceux qui le retiennent. Plus rien n'est à sa place. Nous ne réglons plus rien. Nous habillons de mots de vieilles habitudes. Nous avons peur du vide et ce temps me fait mal. Il reste à tout refaire, à mettre l'homme au cœur. Repartir de la terre pour tout recomposer, arrêter les massacres des gens de l'air du ciel, de ceux dont nous vivons, que nous avons salis, redevenir acteur en se recomposant, globaliser sa vie à un monde nouveau, tout changer dès l'enfance, apprendre, donner, comprendre, tout changer en urgence, trouver les vraies questions et y répondre enfin à commencer par soi. quand tout ce soir me saigne, simplement me blottir, aller chercher en arbre les branches qui se mêlent en bord de ciel, reflets de vagues, tout ce qui fait du doux du beau à ressourcer, et dire à mon amour combien elle complète ce que je suis tout seul pour s'en aller plus loin et inventer ensemble, faire chaud et marcher en se tenant la main, aller de l'un à l'autre en se fondant au monde, colibri de demain, fraternels et humains, universels, vivants. Pendant longtemps, on dit des mots collés aux choses. On croit savoir que c'est ainsi qu'il faut le faire et qu'ils conviennent au temps qu'on vit. On les applique à ce qu'il faut, à ce qu'on doit, comme un papier enrubanné. On parle de soi, des ombres. On met les mots qu'on a appris sur ce qu'on croit qu'il faudrait dire. Ce sont des mots. Et puis un jour, avec le temps, au bout du long voyage qui mène jusqu'à soi, à l'épure muette, ce sont les choses qui vont aux mots. Et on sait bien ce qu'on veut dire. On parle d'elle à la vivante. On prend alors une carte postale, la plus belle qui soit, et on écrit au dos « J'espère que tu vas bien. Je t'aime. » Ce ne sont pas des mots. Comme on fait un cadeau ne demeuré qu'en doux, laisser les murs courir les ombres et rebondir, regarder, triste, la mouche morte sur le sol, parler au chat, interloqué de la confiance, s'il disait tout. Aller vite à une autre fenêtre, celle de l'hortensia, du rire de novembre, retourner beau au bavardage, aux confidences, au continu de la rencontre, reprendre chaud en doigt, en corps, maison des yeux, comme un fond d'essentiel qu'on partage vraiment, une histoire d'amour en envers du décor, une ligne de vie dans le creux de la main.